chasse, tous ces rats vont prier. Ces années à courir, ont engraissé des parts. Moi je te chante de ruine, ces bâtards ont tous les torts. Alors qu'ils négociaient, l'Europe agonisait. Comme disait Vénéas, une bonne cartouche dans leur face. Identité, France, résistance. Prends ça, salope. What's up? Les peuples d'une pétine ont le visage plus chrétien. À force de camper les Chines, ils finissent agenouillés. Ils sont tous contaminés, un prolifère partout. Ils infectent les rues, la mégabonne est fou. Ils te croient dans une impasse, dégagez à coups de patte. Ils cherchent à te contrôler, maintenant ça va saigner. Pense à tes camarades, amis de la Légion. À tous les paras français, mort pour la nation. Identité France, résistance. Prends ça, salope. One shot. What's up?